Chapitre 13. Le chanoine Don Diego, après être resté un moment silencieux, tendit au docteur Gasterini sa grosse main tremblante d'émotion et lui dit « Monsieur le docteur, le capitaine Horace m'avait fait pendant 2 mois perdre l'appétit. Vous me l'avez rendu, je l'espère, pour toute ma vie. Et bien plus, selon votre promesse, vous m'avez prouvé, non par des raisonnements spécieux, mais par des faits, par des chiffres, que le gourmand, ainsi que vous le disiez avec tant de profondeur, que le gourmand accomplit une haute mission sociale, civilisatrice et politique. Vous m'avez donc ainsi délivré de cruels remords, en me donnant conscience de la noble tâche que la gourmandise me donnait à remplir. Et à ce devoir sacré, je ne faillirai pas, monsieur le docteur. Aussi, gloire à vous, reconnaissance à vous, et je crois m'acquitter bien modestement en vous déclarant que non seulement je ne déposerai aucune plainte contre le capitaine Horace, mais que je lui accorde de grand cœur la main de ma nièce. « Quand je vous le disais, chanoine, reprit l'abbé, j'étais bien sûr qu'une fois qu'il vous tiendrait entre ses griffes, ce diabolique docteur ferait de vous ce qu'il voudrait. Où sont maintenant vos belles résolutions de ce matin ?»« L'abbé, reprit Don Diego d'un ton capable, je ne suis pas un enfant. Je saurais rester à la hauteur du rôle que monsieur le docteur m'a tracé. » Et s'adressant à ce dernier, il ajouta « Vous allez, monsieur, me donner ce qu'il faut pour écrire. Une personne sûre prendra ma lettre, montera dans votre voiture et ira l'instant chercher ma nièce au couvent et la ramènera ici. » « Seigneur Don Diego, reprit le docteur, vous assurez le bonheur de nos 2 enfants, la joie de mes vieux jours et conséquemment votre félicité gastronomique, car je tiendrai ma parole. Je vous ferai dîner tous les jours mieux encore que je ne vous ai fait déjeuner l'autre matin. Un pavillon de cette maison sera désormais à votre disposition. Vous me ferez l'honneur de manger à ma table. Et vous voyez que, d'après les professions que j'ai choisies pour mes neveux et pour mes nièces, avec une gourmande et friande préméditation, ainsi que je vous le disais, mon garde-manger, mon office et ma cave seront toujours merveilleusement approvisionnés. Je vieillis. J'ai besoin d'un bâton de vieillesse. Horace et sa femme ne me quitteront plus. Je leur confierai le dépôt de mes traditions culinaires afin qu'elles se transmettent de génération en génération. Nous vivrons tous ensemble et nous passerons ainsi tour à tour de la pratique à la philosophie de la gourmandise, monsieur le chanoine. « Docteur, je mets le pied sur le seuil du paradis, » s'écria le chanoine. « Ah, la Providence est miséricordieuse, car elle va combler de faveur un pauvre pécheur tel que moi. »« Hérésie, impiété, blasphème !» s'écria l'abbé Ledoux. « Vous serez damné, archidamné, chanoine, ni plus ni moins que votre tentateur !»« Voyons, cher abbé, » reprit le docteur, « pas de ces espiègleries-là. Avouez donc tout de suite que je vous ai convaincu par mes raisonnements. Moi, je suis convaincu, certainement, car je vous défie, vous et tous vos pareils, passé, présent et futur, de sortir de ce dilemme. Voyons le dilemme. Si la gourmandise est une monstruosité, la frugalité poussée à ses dernières limites doit être une vertu. Certes, répondit l'abbé. Ainsi, mon cher abbé, plus on est frugal, selon vous, plus l'on est méritant. Évidemment, docteur. Ainsi, celui qui vivrait de racines crues et boirait de l'eau en vue de se macérer serait le type et le prototype de l'homme vertueux. Et qui en douterait? Vous trouvez ce type céleste chez les anachorètes? À merveille, l'abbé! Maintenant, d'après vos idées de prosélytisme, vous devez forcément désirer que tous vos frères se rapprochent le plus possible de ce type de perfection idéale, un homme habitant une caverne et vivant de racines. Le beau idéal de votre société religieuse serait donc une sorte d'habiteur de cavernes et de mangeur de racines, s'administrant par passe-temps une rude discipline. Plût à Dieu qu'il en fût ainsi, reprit vaillamment l'abbé, il y aurait autant de justes que d'hommes sur la terre. D'abord, cela rendrait le calendrier un peu nombreux, mon cher abbé. Ensuite, cela aurait le petit inconvénient de détruire tout d'un coup ces nombreuses industries dont nous venons d'admirer les spécimens, sans compter l'industrie des tisserands qui trament les nappes, des orfèvres qui cisèlent l'argenterie, des porcelainiers qui fabriquent les porcelaines, des verriers qui fabriquent les cristaux, des peintres, des doreurs qui embellissent les salles à manger, des tapissiers, etc., etc. C'est-à-dire que la société, en se rapprochant de votre idéal, anéantirait les 3/4 des industries les plus florissantes, ce qui serait, en d'autres termes, revenir à l'état sauvage. Mieux vaut faire son salut dans l'état sauvage, reprit opiniâtrement l'abbé Ledoux, que de mériter les peines éternelles en s'adonnant aux délices d'une civilisation corrompue et corruptrice. Voilà un sublime désintéressement. Mais alors, pourquoi laissez-vous généreusement aux autres ces durs renoncements, ces cruelles privations, leur abandonnant votre part de paradis, et vous contentant modestement de vivre douillettement ici-bas, couchant sous l'édredon, buvant frais, mangeant chaud? Allons, parlons sérieusement, et avouez que c'est un véritable outrage, un véritable blasphème contre les munificences de la création, que de ne pas glorifier les milliers d'appétissantes bonnes choses qu'elle offre à la satisfaction de la créature. Voilà bien ces païens, ces matérialistes, ces philosophes, s'écria l'abbé Ledoux. Ils ne peuvent pas admettre ce qu'ils ne comprennent pas dans leur orgueil infernal. Oui, credo quia absurdum. Cet axiome est vieux comme le monde, mon cher abbé, mais il n'empêche pas le monde de marcher au rebours de vos théories de renoncement et de privation. Dieu merci, le monde aspire incessamment au bien-être. Croyez-moi, il ne s'agit pas de réduire tous les hommes à manger des racines et à boire de l'eau. Il faut arriver au contraire à ce que le plus grand nombre possible mange au moins de bonnes viandes, de bonnes volailles, de beaux fruits, de beaux pains, de pur froment, et boive du vin vieux. La nature, dans sa sagesse infinie, a fait l'homme insatiable dans les besoins de son corps, dans les aspirations de son intelligence. Et si l'on songe aux merveilles de toutes sortes que l'homme a seulement créées pour plaire aux cinq sens dont elle l'a pourvu dans sa munificence, on reste frappé d'admiration. C'est donc obéir à ces lois imprescriptibles que de pousser avec ardeur, par la consommation, au travail et au bien-être de tous, ainsi que je le disais aux chanoines, et de faire, chacun dans sa sphère, autant de bien que possible, afin de jouir sans trop de remords, car... Mais voici bientôt 6 heures. Venez chez moi, seigneur chanoine, afin d'écrire la lettre qui doit mander ici votre charmante nièce, et j'irai donner ensuite un coup d'œil à mon laboratoire, que j'ai confié aux soins de mes 2 premiers élèves. Le cher abbé voudra bien m'attendre au salon, car je tiens à remplir mon programme et à lui prouver par des faits économiques non pas seulement l'excellence de la gourmandise, mais aussi de toutes ces autres passions qu'il appelle des péchés capitaux. Allons, nous verrons jusqu'où vous pousserez votre sacrilège paradoxe, dit imperturbablement l'abbé Ledoux. Du reste, toutes les monstruosités sont curieuses à observer. « Mais docteur, docteur, il y a 3 siècles, quelle magnifique auto-da-fé l'on eût fait de vous !»« Mauvais rôti, mon cher abbé, cela ne vaut pas mieux que le produit de cette chasse qu'au beau temps du fanatisme vous faisiez aux protestants dans les montagnes des Cévennes. Mauvais gibier, l'abbé, ainsi donc. »« À tout à l'heure, mes chers hôtes, » dit le docteur en s'éloignant. Le chanoine ayant écrit à la supérieure du couvent, un homme de confiance du docteur Gasterini partit en voiture pour aller quérir la seigneure Dolores Salcedo et prévenir en même temps le capitaine Horace et son fidèle sans-plume qu'ils pouvaient sortir de leur cachette. Une demi-heure après le départ de cet émissaire, le chanoine, l'abbé, ainsi que les neveux et nièces de M. Gasterini et plusieurs autres convives étaient réunis dans le salon du docteur.